Avant moi t'es pas l'exa, mi t'envoie comme l'arrivée. Mi avoue mi t'es accéléré, comme un fou t'es pas fait crever. Mi t'emmène la vie à l'occasion, sans prendre conscience la réalité. Vivre dans le fait noir ça n'est pas gaillard, mi préfère vivre dans la clarté. Car la vie vagabond, n'allons ça là pas bon. Veille ton fréquentation, c'est mauvais c'est pour ton plantation. La vie vagabond, n'allons ça là pas bon. Veille ton fréquentation, c'est mauvais c'est pour ton plantation. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette diable a commencé. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette diable a commencé. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. M'y préfère, j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. M'y préfère, j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Pourquoi nous ça plaine à nous, n'a de monde n'a point rien. Vaut mieux nous entraîne à nous, nous peut quitter la terre demain. Nous pourquoi nous chamaille à nous, entre frangine, notre frangin. Des fois pour rien du tout, la plupart du temps pour histoire à terrain. Même si n'a les aléas, interdit de baisser les bras. En profite les encore gaillard, bon puis donne sommeil, réveille pas. Baisse jamais les bras, garde toujours espoir. Même si tu traverses un brouillard, ensemble à crier avec Maria. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. Mi préfère j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. Mi préfère j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé. Dans la vie, frère, fais attention. Choisis bien ton fréquentation. Ça comme un fruit, chaque frère a son saison. Ton âme soit à lui, cède pas la tentation. Mi t'envoie comme l'arrivée. Mi avoue mi t'es accéléré. Comme un fou t'es pas fait crever. Mi t'emmène la vie à l'occasion. Sans prendre conscience la réalité. Vivre dans le fait noir ça n'est pas gaillard. Mi préfère vivre dans la clarté. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. Mi préfère j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Naloué, naloué, hosanna, hosanna. Mi préfère j'aute pour bon Dieu, et fait danse des mon banna. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé. Grand matin, m'y lève, m'y dit merci, bon Dieu. Dans ma la force, faut m'y achève, cette vie à moi l'a commencé.